Mon animal préféré, c'est le serpent. Je les aime beaucoup parce qu'ils sont très intéressants. J'aime surtout le boa parce qu'il est très long et parce qu'il a beaucoup de force. Je les aime depuis que j'ai vu un film qui parlait des boas. J'aime aussi les cobras parce que quand je suis allée au Maroc, j'avais vu des cobras danser avec de la musique et j'ai bien aimé.